Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4. Question 33. Du mode et de l'ordre de la conception du Christ. À quel instant le corps du Christ a eu sa forme? À quel instant il a été animé? Du moment où il a été pris par le Verbe, sa conception a été à la fois naturelle et surnaturelle. 1. Le corps du Christ a-t-il eu sa forme dès le premier instant de sa conception? La formation du corps du Christ au moyen du sang très pur de la bienheureuse Vierge fut instantanée. Ce qui le prouve, c'est d'abord la puissance infinie du Saint-Esprit qui l'a opéré, et, en second lieu, c'est autre raison qu'il ne convenait pas que le Fils de Dieu prît un corps non formé pour se l'unir personnellement. Note. Bien que la première formation du corps de notre divin Sauveur ait été instantanée, son accroissement a été successif, afin que l'on vît que le Fils de Dieu avait réellement pris la nature humaine. Fin de la note. 2. Le corps du Christ a-t-il été animé dès le premier instant de sa conception? Nous l'avons dit, le Fils de Dieu a pris le corps par l'âme, et l'âme par l'intelligence, il en résulte que son corps a été animé par une âme raisonnable dès le premier instant de sa conception. 3. Le corps du Christ a-t-il été pris par le Verbe dès le premier instant de sa conception? Si nous admettions que le corps du Christ a été conçu avant d'être uni au Verbe divin, nous serions conduits à dire qu'il a été soutenu par une autre hypostase pendant un instant, si court qu'il soit. Ce serait détruire par sa base le mystère de l'incarnation. Note. La chair du Christ n'a jamais eu une autre hypostase que la personne même du Verbe. Fin de la note. 4. La conception du Christ a-t-elle été naturelle ou miraculeuse? Vous trouverez dans ce mystère, disait saint Ambroise, beaucoup de choses qui sont conformes à la nature, et beaucoup d'autres qui lui sont supérieures. En effet, considérons-nous la conception du Christ du côté matériel et maternel, elle est très conforme à la nature. La considérons-nous du côté de la vertu active qui l'a produite, elle est totalement miraculeuse.